Chapitre 4e, première leçon d'arabe. Je fis signe à l'esclave de prendre une chaise. J'avais eu la faiblesse d'acheter des chaises. Elle secoua la tête, et je compris que mon idée était ridicule à cause du peu de hauteur de la table. Je mis donc des coussins à terre, et je pris place en l'invitant à s'asseoir de l'autre côté. Mais rien ne put la décider. Elle détournait la tête et mettait la main sur sa bouche. « Mon enfant, lui dis-je, est-ce que vous voulez vous laisser mourir de faim ?» Je sentais qu'il valait mieux parler, même avec la certitude de n'être pas compris, que de se livrer à une pantomime ridicule. Elle répondit quelques mots qui signifiaient probablement qu'elle ne comprenait pas et auxquels je répliquais « Taïeb ». C'était toujours un commencement de dialogue. Lord Byron disait par expérience que le meilleur moyen d'apprendre une langue était de vivre seul pendant quelque temps avec une femme. Mais encore faudrait-il y joindre quelques livres élémentaires. Autrement, on n'apprend que des substantifs, le verbe manque. Ensuite, il est bien difficile de retenir des mots sans les écrire, et l'arabe ne s'écrit pas avec nos lettres, ou du moins ces dernières ne donnent qu'une idée imparfaite de la prononciation. Quant à apprendre l'écriture arabe, c'est une affaire si compliquée à cause des élisions que le savant Volney avait trouvé plus simple d'inventer un alphabet mixte, dont malheureusement les autres savants n'encouragèrent pas l'emploi. La science aime les difficultés et ne tient jamais à vulgariser beaucoup l'étude. Si l'on apprenait de soi-même, que deviendraient les professeurs? Après tout, me dis-je, cette jeune fille née à Java suit peut-être la religion hindoue. Elle ne se nourrit sans doute que de fruits et d'herbages. Je fis un signe d'adoration en prononçant d'un air interrogatif le nom de Brahma. Elle ne parut pas comprendre. Dans tous les cas, ma prononciation eût été mauvaise, sans doute. J'énumérai encore tout ce que je savais de noms se rattachant à cette même cosmogonie. C'était comme si j'eusse parlé français. Je commençais à regretter d'avoir remercié le drogman. J'en voulais surtout au marchand d'esclaves de m'avoir vendu ce bel oiseau doré sans me dire ce qu'il fallait lui donner pour nourriture. Je lui présentai simplement du pain et du meilleur confit au quartier franc. Elle dit d'un ton mélancolique « Ma fiche », mot inconnu dont l'expression m'attrista beaucoup. Je songeais alors à de pauvres bayadères amenés à Paris, il y a quelques années, et qu'on m'avait fait voir dans une maison des Champs-Élysées. Ces indiennes ne prenaient que des aliments qu'elles avaient préparés elles-mêmes dans des vases neufs. Ce souvenir me rassura un peu, et je pris la résolution de sortir après mon repas avec l'esclave pour éclaircir ce point. La défiance que m'avait inspirée le juif pour mon drogman avait eu pour second effet de me mettre en garde contre lui-même. Voilà ce qui m'avait conduit à cette position fâcheuse. Il s'agissait donc de prendre pour interprète quelqu'un de sûr, afin du moins de faire connaissance avec mon acquisition. Je songeais un instant à M. Jean le Mamelouk, homme d'âge respectable, mais le moyen de conduire cette femme dans un cabaret. D'un autre côté, je ne pouvais pas la faire rester dans la maison avec le cuisinier et le barbarin pour aller chercher M. Jean. Et eussé-je envoyé dehors ces deux serviteurs hasardeux, était-il prudent de laisser une esclave seule dans un logis fermé d'une serrure de bois? Un son de petite clochette retentit dans la rue. Je vis à travers le treillis un chevrier en sarrau bleu qui menait quelques chèvres du côté du quartier franc. Je le montrai à l'esclave, qui me dit en souriant « Aouya », ce que je traduisis par « oui ». J'appelai le chevrier, garçon de 15 ans, au teint hâlé, aux yeux énormes, ayant du reste le gros nez et la lèvre épaisse des têtes de sphinx, un type égyptien des plus purs. Il entra dans la cour avec ses bêtes et se mit à en traire une dans un vase de faïence neuve que je fis boire à l'esclave avant qu'il s'en servît. Celle-ci répéta « Aouya », et du haut de la galerie elle regarda, bien que voilée, le manège du chevrier. Tout cela était simple comme l'idylle, et je trouvais très naturel qu'elle lui adressât ces deux mots « Talé bouchkra ». Je compris qu'elle l'engageait sans doute à revenir le lendemain. Quand la tasse fut pleine, le chevrier me regarda d'un air sauvage en criant « Atfoulouz ». J'avais assez cultivé les âniers pour savoir que cela voulait dire « Donne de l'argent ». Quand je lui payai, il cria encore « Bakshish », autre expression favorite de l'Égyptien qui réclame à tout propos le pourboire. Je lui répondis « Talé bouchkra », comme avait dit l'esclave. Il s'éloigna satisfait. Voilà comment on apprend les langues peu à peu. Elle se contenta de boire son lait sans y vouloir mettre du pain. Toutefois, ce léger repas me rassura un peu. Je craignais qu'elle ne fût de cette race javanaise qui se nourrit d'une sorte de terre grasse, qu'on n'aurait peut-être pas pu se trouver au Caire. Ensuite, j'envoyai chercher des ânes, et je fis signe à l'esclave de prendre son vêtement de dessus, mais là y est. Elle regarda avec un certain dédain ce tissu de coton quadrillé, qui est pourtant fort bien porté au Caire, et me dit « Anna, Habara ». Comme on s'instruit. Je compris qu'elle espérait porter de la soie au lieu de coton, le vêtement des grandes dames au lieu de celui des simples bourgeoises, et je lui dis « Laha, laha » en secouant la main et hochant la tête à la manière des Égyptiens.